L'homme qui perd sa naïveté parce qu'il devient de plus en plus intelligent ne doit pas devenir méchant, il ne doit pas devenir mauvais. Il doit simplement devenir intelligent. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que la ligne de démarcation, dans toute vertu humaine, il y a toujours la polarité. Alors, lorsqu'on part de l'Est, on va vers l'Ouest. On perd la naïveté et automatiquement, on devient méchant ou mauvais. Dans certaines expériences humaines, où simplement l'homme individuellement est affecté dans son expérience, s'il passe d'un pôle à l'autre, c'est pas si pire. Si on est très spirituel, on devient moins spirituel. Autrement dit, c'est totalement interne à soi-même. Mais lorsqu'on est naïf et qu'on perd notre naïveté, on peut facilement aller de l'autre côté et devenir méchant et mauvais. Et ça, c'est pas bon. Il faut, quand on arrive au centre, arrêter là et devenir intelligent. Parce qu'un homme qui perd la naïveté pour entrer dans la conscience universelle devient de plus en plus intelligent et automatiquement, s'il devient plus intelligent, à ce moment-là, il neutralisera la polarité négative de sa naïveté. Mais, dans le cas de l'expérience humaine simplement psychologique, là où vous avez des enfants, par exemple, ou là où vous enseignez à des adultes, si vous enseignez à un adulte, écoute là, bonhomme, petit homme, tu es naïf, l'adulte, lui, n'allant pas vers l'intelligence, il va aller de l'autre côté, il va devenir méchant ou mauvais. Il y a des hommes dans la vie qui étaient de nature naïve parce qu'ils ont été élevés dans des bonnes familles, ils ont été élevés dans des familles où il y avait de bons principes moraux, ainsi de suite. Et la vie a tué en eux cette naïveté et ils sont passés d'individus naïfs, bons, spirituels, émotifs. Ils sont devenus, après quelques années, dans le domaine de la vie, dans l'expérience humaine, des êtres méchants et mauvais. Souvent, les êtres méchants et mauvais aujourd'hui, ce sont des hommes qui se sont retournés dans le passé parce qu'ils ont trop souffert de leur naïveté. Mais ça, c'est dans le domaine de l'inconscience humaine. Mais dans le domaine de la conscience humaine, là où l'homme va de plus en plus vers l'intelligence, il ne peut pas aller de la naïveté à la méchanceté ou à l'état mauvais. Il va s'arrêter au centre et va devenir intelligent, c'est-à-dire va réaliser que sa naïveté lui nuit, c'est-à-dire que sa naïveté peut le faire souffrir. Et si l'homme souffre dans la vie, c'est parce qu'il est naïf. Si l'homme ne souffrirait pas dans la vie, si l'homme n'était pas naïf, il ne souffrirait pas dans la vie. Et ça va tellement loin, la souffrance liée à la naïveté. Que l'homme peut souffrir dans la vie parce qu'il est naïf, il peut souffrir de la main des hommes, et il peut souffrir aussi des relations vibratoires qui existent entre lui et l'intelligence ou la mémoire de l'âme. Exemple. Vous prenez un type qui aime à faire de la vélocité, de la vitesse en automobile. Et une journée, il prend sa petite automobile, il s'en va sur les côtes d'Espagne, la Costa Brava. Il voit les routes magnifiques, il voit la mer, il a un petit sports car, et qu'est-ce qu'il fait? Il veut peser dessus et il passe au-dessus de la falaise. Regardez le cas du coureur, là. Villeneuve. Qu'est-ce qui s'est produit? Il a eu quelques semaines ou quelques jours avant son accident, il a eu une expérience en Europe où on a triché sur lui, où on lui a enlevé le championnat de la course. Il a été extrêmement fâché, il s'est fâché contre son patron, Ferrari, et puis il est revenu à l'assaut, parce que déjà, l'occasion avait changé ses vibrations. Et sa vibration avait été suffisamment changée sur le plan du corps astral, que lorsqu'il est venu l'occasion parfaite pour qu'il meure, il a été retiré de la circulation. S'il n'avait pas été naïf, s'il n'avait pas été pris dans le jeu de la vibration, automatiquement, il aurait contrôlé l'énergie dans son corps astral et il n'aurait pas subi la mort matérielle. Parce que je veux vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit concernant la mort. Je veux vous dire ceci. Je veux dire que tous les hommes ont le pouvoir de ne pas mourir. Et la raison pour laquelle les hommes meurent, c'est parce qu'ils ne savent pas comment ne pas mourir. Et les secrets de ne pas mourir et comment ne pas mourir sont des secrets qui ne font pas partie de la conscience astrale, qui ne font pas partie des lois de la mémoire de l'âme. Parce que tout ce qui est astral, tout ce qui est lié à la mémoire de l'homme, veut que l'homme meure, parce que tout ce qui est astral se nourrit de l'homme, se nourrit de l'expérience de l'homme. Alors c'est très bénéfique pour l'équilibre cosmique astral que les hommes meurent et reviennent, et meurent, et reviennent, et meurent, et reviennent. C'est très bon pour le système économique. Mais l'homme, quand il est dans l'intelligence, connaît les lois de la vie et de la mort, et lorsqu'il connaît les lois de la vie et de la mort, à ce moment-là, n'a pas besoin de mourir. Mais ça devient anormal de mourir. Mais pour que ça devienne anormal de mourir pour l'homme, il faut qu'il soit suffisamment intelligent pour voir au-delà des lois planétaires. Et pour qu'il voit au-delà des lois planétaires, il faut qu'il soit suffisamment intelligent pour ne pas être naïf. Et pour qu'il ne soit pas naïf, il faut qu'il n'y ait pas dans son intelligence de l'émotivité. Et si je dis qu'il doit, ne doit pas y avoir d'émotivité dans son intelligence, je veux dire qu'il ne doit pas y avoir de spiritualité dans son intellect. Parce que je veux dire une autre chose. La spiritualité est dans l'intellect parce qu'il existe de l'émotivité dans l'intelligence. Ce qui crée la spiritualité dans l'intellect, c'est l'émotivité dans l'intelligence. Enlever l'émotivité dans l'intelligence, il ne peut plus y avoir de spiritualité dans l'intellect. Et les gens qui iront vers l'intelligence et qui iront de plus en plus vers l'énergie de l'intelligence s'apercevront qu'ils deviennent de plus en plus des êtres qui peuvent facilement se fâcher contre l'invisible. Pourquoi ils peuvent se fâcher de plus en plus contre l'invisible? Parce qu'ils ont la capacité de plus en plus grande dans le mental, autrement dit dans l'intellect, de ne pas laisser d'émotions rentrer dans l'intellect pour qu'il y ait de moins en moins en eux de spiritualité. Et qu'est-ce qui se produit quand il y a de moins en moins de spiritualité dans l'homme et qu'il sait qu'il se fait casser les pieds par l'invisible? Il commence à gueuler contre l'invisible, il commence à fâcher contre l'invisible. Et quand l'homme commence à se fâcher contre l'invisible, qu'est-ce qu'il fait? Il se produit deux choses. Il commence à faire descendre l'énergie de l'intelligence dans ses principes. Ça, c'est une clé majeure de la conscience, de la descente de la conscience supramentale sur le globe. C'est une clé majeure, ça. C'est pour ça que quand je dis que l'homme, seul, non pas par les autres, non pas par les autres hommes, et non pas par les autres êtres ou les entités qui sont ou qui ont été hommes, jamais un homme ne pourra recevoir, non, jamais ne pourra connaître les lois de la vie par la bouche d'un homme ou d'un être désincarné. C'est impossible, et je vais vous dire pourquoi. Pour cinq raisons fondamentales. Premièrement, parce que les lois de la vie n'appartiennent pas à la mort. C'est-à-dire que les lois de la vie ne peuvent pas appartenir à un homme qui meurt, ou à un homme qui est sujet à mourir, ou à un homme qui est déjà mort. Les lois de la vie font partie d'un compartiment spatial qui fait partie des lois de l'éternité. C'est-à-dire que l'éternité est un compartiment spatial, c'est-à-dire que l'éternité est une dimension spatiale, c'est-à-dire que l'éternité est un espace. Et dans l'espace de l'éternité, il existe des conventions. Et ces conventions sont des conventions d'énergie, c'est-à-dire que ce sont des lois d'énergie. Et les lois d'énergie ne sont jamais enregistrées dans les mondes de la mort parce que les lois d'énergie sont des lois vibratoires et non des lois psychologiques. Et la différence entre une loi vibratoire et une loi psychologique, c'est que toute loi vibratoire défait la psychologie. Toute loi vibratoire détruit une loi psychologique parce qu'une loi psychologique est une loi d'involution, tandis qu'une loi vibratoire est une loi d'évolution. Troisièmement, parce que dans les mondes de l'intelligence, il existe des intelligences qui sont des principautés, c'est-à-dire qu'il existe des intelligences qui sont à la fois intelligentes et qui sont à la fois énergie. Et comme ce sont des intelligences qui sont à la fois intelligentes et qui sont à la fois énergie, c'est l'aspect énergie de ces intelligences qui font partie de l'homme. Et comme ce sont les aspects de l'énergie de ces intelligences qui font partie de l'homme, ces intelligences n'ont pas l'intelligence de l'homme. Et comme ces intelligences n'ont pas l'intelligence de l'homme, elles n'ont pas l'intelligence de l'homme. Ça veut dire qu'elles n'ont pas l'intelligence de transférer à l'homme l'intelligence de ce qu'elles sont. Elles ont simplement le pouvoir de transférer à l'homme l'énergie de ce qu'elles sont. Et c'est pourquoi l'homme ne pourra jamais savoir les lois de la vie, parce que les lois de la vie ne peuvent pas être traduites dans des mots à des mondes dans lesquels les lois de la psychologie existent, c'est-à-dire dans lesquels les lois des mots existent, c'est-à-dire dans lesquels les mots servent à établir une convention pour le rapport des hommes entre les hommes et non les hommes entre les intelligences qui sont énergie et l'homme. Le quatrième aspect. C'est que les intelligences qui sont intelligences et énergie sont des intelligences qui sont à la fois intelligence et éternité. C'est-à-dire qu'ils sont intelligences et ils sont éternité parce qu'elles ont le pouvoir, ces intelligences, d'être instantanément tout partout dans le cosmos. Et comme elles ont le pouvoir d'être instantanément partout dans le cosmos, c'est ce pouvoir qui leur donne le pouvoir d'être instantanément dans l'homme et d'être automatiquement dans l'énergie de l'homme et être automatiquement capable de transférer à l'homme leur énergie. Et ce fait leur permet de transcender constamment la nature de l'homme. Et comment transcender la nature de l'homme? Par en déversant dans ses principes de l'énergie qui fait constamment guerre, combat contre les lois de l'intelligence astrale, mentale, humaine. Autrement dit, la vibration détruit la forme. La vibration détruit la forme. La vibration détruit la forme. La vibration crée la forme. La vibration détruit la forme. Et la vibration détruira toutes les formes dans l'expérience humaine dans la Terre aujourd'hui pour créer d'autres hommes qui créeront d'autres formes parce qu'ils auront d'autres vibrations. Et l'homme qui comprend que la vibration détruit la forme commence à être dans l'intelligence de la vibration, cesse d'être dans l'intellect de la forme, et l'homme sort de la forme pour entrer dans l'énergie. Quand il sort de la forme pour entrer dans l'énergie, il sort de la mort pour entrer dans la vie. C'est pourquoi les êtres qui sont morts sur le plan matériel ou les êtres qui sont morts sur les autres plans ne peuvent pas donner à l'homme les lois de la vie. Même moi, je ne peux pas vous donner les lois de la vie. Je peux simplement vous expliquer comment ça fonctionne. Il m'est impossible de vous donner les lois de la vie. Si je vous donnais les lois de la vie, je serais obligé de me dédoubler. Et si je me dédoublais, je vous amènerais avec moi sur un autre plan. Et là, je vous donnerais les lois de la vie. Mais sur le plan matériel, un homme ne peut pas donner à un homme les lois de la vie. Et si un homme dit à un autre homme que telle loi sont les lois de la vie, les lois qu'il donne, ce sont les lois de la mort de la vie. Quand un homme dit à un homme, crois, il emprisonne cet homme dans une forme qui fait que son esprit est obligé de continuer à souffrir de la dépendance d'un autre esprit. Et c'est le grand cycle de vie qui existe entre le plan astral et le plan mental. Et c'est ce cycle que les hindous ont appelé les cycles de vie, le fameux samsara et le fameux sansara. C'est un cycle qui a été monté de toutes pièces par les lois, par les êtres qui sont dans les lois de la mort. C'est extraordinaire. Le samsara ne fait pas partie de la vie, le samsara ne fait pas partie de l'homme de demain, le samsara fait partie de l'homme ancien, le samsara fait partie de ceux qui sont morts et qui se rattachent constamment dans un cycle avec ceux qui sont sur le plan matériel. C'est pour ça que je dis, l'homme comprendra demain. C'est pour ça que je dis, interprétez pas mes paroles, comprenez ce que je veux dire. L'homme, aujourd'hui, a besoin de l'ésotérisme pour amplifier en lui des vibrations, pour le sortir de l'intellect crasse. Une fois qu'il est sorti de l'intellect crasse et qu'il a commencé à se sensibiliser sur le plan astral, sur le plan mental, éventuellement, et qu'il commence à entrer dans l'intelligence, éventuellement, cette nécessité disparaît et elle sert à d'autres qui en ont encore de besoin parce qu'il y aura toujours des hommes qui auront besoin d'ésotérisme. Mais je dois parler en fonction d'un avenir. Je ne peux pas parler en fonction d'une condition présente. Alors, c'est très important pour l'homme de comprendre les lois de la naïveté. Pour comprendre les lois de l'intelligence et afin de réaliser éventuellement que seul l'homme a sur lui-même le pouvoir de la vie. Mais pour qu'il ait le pouvoir de la vie, il faut qu'il soit en relation vibratoire avec l'intelligence. Pour qu'il soit en relation vibratoire avec l'intelligence, il ne faut pas qu'il soit naïf. Pour qu'il ne soit pas naïf, il ne faut pas qu'il y ait d'émotion dans son mental. Pour qu'il n'y ait pas d'émotion dans son mental, il faut qu'il réalise la spiritualité dans son intelligence. Lorsqu'il a réalisé la spiritualité dans son intelligence, à ce moment-là, il se fait un travail sur son émotionnel. Lorsqu'il se fait un travail sur son émotionnel, il commence à ce moment-là à entrer dans l'énergie de l'intelligence. Quand il commence à entrer dans l'énergie de l'intelligence, il a l'outil qui détruit la forme. Moi, j'appelais à beaucoup de personnes comme étant un taureau dans un jeu de quilles. Mais dans le fond, je ne suis pas un taureau dans un jeu de quilles. Je suis simplement un homme qui n'appartient pas à la génération de l'homme. De sorte que je ne peux pas voir les choses comme les hommes voient les choses. Je ne peux pas voir les choses comme les maîtres voient les choses. Parce que je n'appartiens pas à la génération de l'homme. Mais le fait que je n'appartienne pas à la génération de l'homme, le fait que je ne suis pas un fils de l'homme, me permet de donner à l'homme suffisamment d'instructions pour qu'un jour l'homme puisse comprendre les lois de l'homme. Un homme ne peut pas enseigner à un homme les lois de l'homme. Parce qu'un homme serait automatiquement sous les lois, géré par les lois de l'homme. Alors, un homme ne peut pas donner à un homme les lois de l'homme. Pour qu'un homme ou un être donne à l'homme des lois de l'homme, il ne faut pas qu'il fasse partie de cette évolution. Il ne faut pas qu'il fasse partie de cette conscience. Il ne faut pas qu'il fasse partie de cette génération d'hommes. Il peut avoir un corps humain, mais avoir un corps humain ne veut pas dire que l'homme qui a ce corps humain fait partie de la génération de l'homme. Et lorsqu'un homme ne fait plus partie de la génération de l'homme et qu'il parle à un homme de telle génération, il se produit un phénomène. C'est que celui qui se fait parler ou qui se fait dire telle chose a deux choix. Il a soit le choix de vibrer un petit peu dans son intelligence à cette énergie qui est la même que celle que celui qui lui parle, ou de réagir sur le plan émotif et mental au niveau de sa psychologie. S'il vibre, il se développera petit à petit un courant d'énergie Un peu comme l'eau qui passe sur une route. Elle commence petit à petit, éventuellement, elle creuse. Et éventuellement, le phénomène cosmique de l'homme, en relation avec le phénomène humain, créera un passage d'énergie. Et ce passage d'énergie deviendra pour l'homme qui a écouté pendant quelque temps l'autre homme qui ne fait pas partie de sa génération, un courant de force, un courant d'énergie qui sera sa propre intelligence. C'est pour ça que c'est si important pour l'homme de comprendre que nous, sur la Terre, les hommes, que nous fassions partie de la génération de l'homme ou que nous ne fassions pas partie de la génération de l'homme, ce n'est pas important. Ce qui est important pour nous sur la Terre, tant que nous sommes dans le corps matériel, c'est de comprendre que tout ce qui a été donné à l'homme doit lui être enlevé pour qu'il devienne surhomme. Tout ce qui a créé la mort, tout ce qui a créé le potentiel dans l'homme de mourir, doit être enlevé à l'homme. Alors, c'est ce que nous faisons. Nous enlevons à l'homme tout ce qui lui a été donné pour qu'il puisse vivre temporairement et mourir, pour qu'un jour il en arrive à continuer et ne pas mourir. Mais pour que ceci se fasse, nous ne pouvons pas faire autre chose que de parler. Et comme nous ne pouvons pas faire autre chose que de parler, nous avons décidé d'utiliser un langage qui ne se saisit pas par l'intellect, qui ne se saisit pas par l'émotion et qui ne se saisit que par l'intelligence supramentale dans l'homme qui est là, mais qui n'est pas éveillée à elle-même. Ce que vous appelez l'intuition. Et dès que nous avons commencé à parler à l'homme en fonction ou en relation vibratoire avec sa propre vibration, qui ne se sert jamais, parce qu'il n'en est pas suffisamment conscient, à ce moment-là, les choses vont, petit à petit, elles vont leur train, et l'homme en arrive éventuellement à réaliser par lui-même que l'homme ne peut être complet que lorsqu'il a détruit en lui, lorsqu'il n'existe plus en lui, les formes qui lui créent sa dépendance, c'est-à-dire qui sont responsables pour sa naïveté. Et la naïveté, je vous parle de naïveté, j'emploie le terme naïveté d'une façon suffisamment précise pour que vous en ayez, compreniez un aspect suffisamment près du phénomène qui doit exister chez l'homme, c'est-à-dire le phénomène de l'intelligence. Mais il y a beaucoup d'aspects dans le phénomène de la naïveté qui peuvent être expliqués. J'en donne un exemple. Un homme qui est naïf, s'il va vers l'intelligence, un jour, l'intelligence, à cause de son pouvoir vibratoire, créera en lui un choc de vie. Parce que l'intelligence, pour qu'elle se connecte à l'homme, doit créer un choc. Et elle créera un choc à un certain moment donné. Et ce choc se créera de différentes façons dans la vie de différents hommes. Mais à un certain moment, l'intelligence doit détruire la naïveté dans l'homme. Parce que la naïveté, c'est une condition psychologique humaine qui empêche l'intelligence de prendre racine dans l'homme. Et ce n'est pas seulement le phénomène de l'intelligence de dire « Ah oui, ça a du bon sens, je comprends, c'est intéressant ce qu'il dit. » Votre intelligence doit un jour prendre racine en vous. Et lorsqu'elle prendra racine en vous, à ce moment-là, vous serez dedans. Mais il faut qu'elle prenne racine en vous. Mais tant que votre intelligence n'a pas pris racine en vous, ce que vous avez dans l'esprit, c'est simplement de la semence. Et de la semence, ça peut demeurer sur votre tête, mais ça peut prendre un certain temps avant de prendre racine. Et un jour, l'intelligence prendra racine. Et comment elle prendra racine en vous? En détruisant en vous la naïveté. Et vous ne connaissez pas votre naïveté, mais l'intelligence la connaît. L'intelligence la connaît, votre naïveté. Et elle vous prendra là où vous êtes naïf. Si vous êtes naïf dans la charité, elle vous prendra dans la charité. Si vous êtes naïf dans l'amour, elle vous prendra dans l'amour. Si vous êtes naïf dans l'ésotérisme, elle vous prendra là. Si vous êtes naïf dans n'importe quoi, elle vous prendra là où vous êtes naïf, l'intelligence. Et la plupart des hommes que je connais sont naïfs. Un homme ne peut pas sortir de sa naïveté et entrer dans l'intelligence et être le même personnage. Automatiquement, si on le rencontre dans la rue, on dit « Oh, ce bonhomme-là, il a changé. » Tant que les gens ne pourront pas vous rencontrer et dire « Oh, il a changé, ce bonhomme-là », c'est qu'il n'y a pas eu racine dans votre intelligence. De prise. Il faut qu'il y ait. Parce que lorsque commence à disparaître la naïveté, commence à s'installer ce que j'ai appelé dans l'autre conférence l'entêtement. L'entêtement intelligent, c'est-à-dire la tête de cochon intelligente, c'est-à-dire la centricité. Et cette centricité, c'est la relation vibratoire entre l'énergie de l'intelligence et le mental humain, et l'émotionnel humain, et le corps de l'homme. Alors, c'est très important pour l'homme de réaliser la relation conjointe entre le phénomène de la naïveté et le phénomène de la tête de cochon. Si vous êtes naïf, vous ne pouvez pas avoir de tête de cochon. Un jour, quand vous verrez que vous passez vers la tête de cochon et que vous avez mis de côté la naïveté, c'est parce qu'il s'installe sans racine en vous l'intelligence. Ça, c'est un point de référence. Si vous n'avez pas connu la tête de cochon, mais attendez, vous la connaîtrez dans le temps. Ce ne sera pas une tête de cochon psychologique, ce sera une tête de cochon qui est le produit de cette énergie qui s'installe dans le mental et qui dit « Wow! » C'est comme ça qu'elle travaille. Alors, il y a une relation directe entre la naïveté et éventuellement le développement de la tête de cochon, qui est une forme de centricité de l'intelligence dans le mental. L'homme, l'être humain sur la Terre, l'homme de la génération, a deux intérêts particuliers dans la vie. L'intérêt premier, l'intérêt prédominant, c'est la survie matérielle. Le deuxième intérêt, c'est la connaissance. À plus ou moins haute échelle. L'homme de la prochaine génération, l'homme de demain, n'a ni l'un ni l'autre. Il n'y a aucun intérêt de survie et il n'a aucun intérêt de connaissance. Alors, la différence entre le surhomme et l'homme, c'est que le surhomme n'a pas d'intérêt de survie, il n'a pas d'intérêt de connaissance. Pourquoi il n'a pas d'intérêt de survie? Parce qu'il n'a pas à craindre la vie matérielle. Il n'a pas à craindre la mort. Et comme il n'a pas à craindre la mort, automatiquement, il est dans l'intelligence de la vie. Et comme il est dans l'intelligence de la vie, tout lui est donné, tout est là, tout, il le voit. Et automatiquement, il n'est pas intéressé dans la connaissance parce qu'il ne peut plus penser. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se réconforter. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se créer de conditions psychologiques qui le supportent sur le plan émotionnel afin de donner à son esprit une qualité spirituelle qui devient pour lui une sorte d'espoir futur. L'homme de demain ne peut pas vivre de survie et ne peut pas vivre de connaissance. Et ceci ne s'interprète pas. Vous ne pouvez pas aujourd'hui cesser de vous intéresser à la survie comme vous ne pouvez pas cesser aujourd'hui de vous intéresser à la connaissance. C'est un état d'esprit. C'est l'énergie de l'intelligence qui suspend la question de la survie ou le phénomène ou le problème de la survie et qui suspend la question ou le phénomène de la connaissance. Tout, lorsque l'homme entre en contact avec l'énergie de la connaissance, fait partie de sa descente en l'homme et l'homme n'a aucun effort à faire. Tant que l'homme fait un effort, ça fait partie de la survie et de la connaissance. Et l'homme pourra facilement remarquer demain ses activités, la nature de ses activités, la condition psychologique de ses activités, la relation émotive et intellectuelle entre ses activités et son profond lui-même. Et s'il voit qu'il y a de l'intérêt de survie et qu'il voit qu'il y a de la connaissance, c'est qu'il est encore en dehors de l'intelligence. C'est impossible à l'homme dans l'intelligence de s'intéresser à la survie. Et à la connaissance. Je vous donne des points de référence pour demain, que ce soit dans 5 ans ou dans 10 ans, mais quand vous deviendrez comme ça, vous saurez que vous êtes normal, au lieu d'aller voir le psychiatre. Il faudrait m'enlever ces pinottes et ces bonbons. Un autre aspect de naïveté. La naïveté crée dans l'homme une dépendance envers les autres. C'est terrible. La naïveté crée une dépendance envers les autres parce que... C'est très subtil ce que je vais vous dire. Quand je parle de la naïveté, je parle du phénomène de la naïveté qui existe dans tous les hommes. Ça va très loin, le phénomène de la naïveté. Mais je dois l'expliquer par déduction ou réduction. Sans ça, ça devient trop philosophique, c'est trop difficile à comprendre. La naïveté, c'est un phénomène qui crée dans l'homme de la dépendance. C'est-à-dire que tant que l'homme est naïf, il est incapable de s'imaginer pouvoir vivre sur le plan matériel, sur la terre, seul. Et c'est essentiel qu'un homme, que l'homme, en arrive un jour, que ce soit dans 5 ans ou dans 10 ans, à être capable de contempler, de réaliser, de voir, qu'il puisse vivre seul, sans un homme autour de lui, sans une société autour de lui, dans un environnement quelconque de la planète. Et je vous dis ceci pour des raisons que vous comprendrez plus tard. Tant que l'homme n'est pas capable de s'imaginer pouvoir vivre seul, je ne veux pas dire opter pour vivre seul. Ce n'est pas intelligent d'opter pour vivre seul. C'est beaucoup plus plaisant de vivre à deux ou à trois ou à quatre. Mais tant que l'homme n'est pas capable de s'imaginer qu'il pourrait un jour vivre seul, sans homme, sans femme, sans enfant, sans amis, ainsi de suite, être seul, dans une jungle, dans une condition planétaire, matérielle, il est naïf. C'est la naïveté qui empêche ceci. C'est la naïveté parce que la naïveté crée trois choses dans l'homme. Elle lui crée le besoin d'être aimé, elle lui crée le besoin d'aimer, et elle lui crée le besoin de réaliser son amour. Et ces trois forces-là font partie du jeu qui se joue entre le cosmos planétaire et l'homme, et c'est ce qui crée ce qu'on appelle la société humaine. Mais l'homme qui entre dans son intelligence, l'homme qui commence à développer un éther de plus en plus puissant, l'homme qui commence à vibrer de plus en plus sur le plan mental, sur le plan émotionnel, vital, physique, doit un jour s'attendre à ce que, étant dans un endroit quelconque de la planète, il se subtilise. Étant quelque part dans une jungle, ou dans une montagne, ou dans un endroit, je parle de la fin du cycle, où il y a de la contamination sur le globe, ainsi de suite, où il est dans un endroit restreint, qu'il mette son corps là, totalement en repos, que lui se subtilise. Mais, naturellement, dans ce temps-là, la naïveté n'existe plus. Mais avant ce temps-là, dans le temps de la préparation, l'homme doit réaliser, doit voir, comprendre, saisir, que viendra petit à petit au cours des années des impressions dans son mental qui voudront le pousser, le faire aller dans un endroit moins populeux. Le mouvement de descente de l'énergie supramentale dans le mental humain le poussera petit à petit dans son temps à elle. Au-delà des convoitises personnelles ou des passions personnelles, parce que c'est l'intelligence qui dirige. Mais elle commencera à mettre dans la tête de l'homme l'isolation, l'isolation, l'isolation. Et l'homme se trouvera mal à l'aise devant l'isolation, se trouvera mal à l'aise. Parce qu'il y aura un raccordement entre l'intelligence pure et son intellect ne pourra pas complètement absorber l'intelligence pure, et son intellect se dira, « Ouais, j'aimerais bien ça me bâtir ou avoir une maison quelque part dans le bout de Greenwich, mais c'est m'être seul, m'ennuyer. » Alors l'homme souffrira cette condition. Et je sais que l'homme qui va de la cinquième à la sixième race doit un jour être capable de vivre totalement en dehors de la naïveté, c'est-à-dire de réaliser que probablement un jour, dans un certain avenir, il sera mandaté par l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie prendra le contrôle de son corps matériel pour amener ce corps matériel dans un coin quelconque de la planète où d'autres choses prendra place pour l'évolution de l'humanité. Mais la destruction de la naïveté, c'est un processus graduel chez l'homme. Et ce processus graduel, ce processus qui commence au fur et à mesure que l'homme entre dans l'intelligence, se confirme avec les années et viendra le temps dans les années à venir où l'homme sera face à face avec l'isolation totale. Soit l'isolation totale avec des amis, mais l'isolation totale. Et quand je dis face à face avec l'isolation totale, je dis face à face avec l'isolation totale. Mais il y aura avec lui des amis. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura avec lui des amis qu'il se sentira moins seul, moins isolé, parce que même les amis seront dans la même condition que lui. Alors, je ne parle pas de ces temps-là parce que je ne parle pas de ces temps-là. C'est pas bon que je parle de ces temps-là parce que les gens créent des formes avec ces temps-là. Mais je dois faire part à l'homme de ce que l'homme vivra demain. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la société où nous vivons, la naïveté doit petit à petit être débranchée des circuits de l'homme. Et elle se débranche dans l'expérience de tous les jours. Une raison pourquoi l'intelligence détruit et doit détruire la naïveté, c'est parce que la naïveté empêche l'homme d'être intelligent. C'est un blocage. Elle bloque, l'homme bloque l'énergie de l'intelligence par la naïveté, même si sa naïveté elle est bonne, elle est belle, ainsi de suite. Il y a énormément d'ordre dans l'intelligence. Énormément d'ordre. Et quand je parle de l'ordre de l'intelligence, je veux dire que l'intelligence, quand elle descend dans l'homme, selon son tempérament et son caractère, elle se diffuse en lui de telle façon que tous les aspects de sa personnalité sont parfaitement en relation avec elle. De sorte qu'il se développe de cette expérience humaine un ordre. Et l'ordre de l'intelligence, c'est la voie du surhomme. Et la voie du surhomme sera cachée à l'homme qui va vers cet état pendant des années. Mais l'homme verra, au fur et à mesure qu'il va vers cette conscience, qu'il va vers cette intelligence, qu'elle a de plus en plus d'emprise sur lui, de plus en plus d'emprise sur sa vie, et que lui a de moins en moins d'effets personnels, subjectifs, sur son comportement psychologique, de sorte qu'avec les années, il ne pourra plus être naïf, ce sera impossible pour lui, parce qu'un homme qui est naïf est un homme qui se fait mentir. Et un homme qui se fait mentir ne peut pas être dans l'intelligence, parce que l'intelligence est trop intelligente pour se faire mentir. Et quand je dis mentir à tous les niveaux. Je ne veux pas dire mentir nécessairement dans d'une façon brutale, d'une façon qui est amorale. Je veux dire mentir dans le sens que l'homme qui se fait mentir est l'homme qui ne sait pas. L'homme qui ne sait pas, l'homme qui ne peut pas comprendre parfaitement. L'homme qui ne peut pas comprendre parfaitement ne peut pas aller au-delà de la forme et comprendre les intentions de ceux qui mettent dans sa tête des formes et la compréhension de certains systèmes qui fait partie de leur expérience à eux et aussi de son expérience planétaire à lui. L'homme ne peut pas vivre et entrer dans la conscience universelle, dans l'intelligence pure, à dos de chameau. Il doit entrer à pied, seul. Il ne peut pas être guidé par un autre homme. De l'intelligence, c'est de l'intelligence, c'est de l'énergie. Ce n'est pas un principe psychologique. Ce n'est pas de la psychologie de l'intelligence. De l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence, telle que nous le connaissons. L'intelligence clé de la connaissance, pour le bénéfice de l'évolution de l'homme, mais de l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence. Moi, je sais très bien que je ne suis pas intelligent. Je canalise de l'intelligence, mais je ne suis pas intelligent. Si j'étais intelligent, je ne pourrais pas canaliser de l'intelligence. Je serais dans la connaissance philosophique. Je serais un grand philosophe, un grand psychologue, mais je ne serais pas dans l'intelligence. Et la preuve que je ne suis pas dans l'intelligence, c'est que je ne sais jamais ce que je vais dire. Et comme je ne sais pas ce que je vais dire, je suis toujours dans l'intelligence de ce que je dis. Et comme je suis toujours dans l'intelligence de ce que je dis, je vis constamment ce que je dis. Je le vis. Je suis dedans. Et je l'apprends au fur et à mesure que j'avance avec vous. Parce que moi, j'avance avec vous comme vous, vous avancez avec moi. Moi, je ne suis pas plus avancé que vous. Je suis plus sensible que vous à l'énergie de l'intelligence. Différence majeure. Prenez un Sony, prenez un R. Serov Victor de 1932. Les deux reçoivent les mêmes ondes, mais un reçoit les ondes mieux que l'autre. Mais les deux ont le même matériel. Alors, vous ne pouvez pas dire que Sony est plus avancé que RCA Victor. Et parce que je suis plus sensible, je peux voir des choses que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui, mais que vous verrez demain. Et lorsque vous verrez les choses demain que je vois aujourd'hui, nous verrons les mêmes choses ensemble. Et lorsque nous verrons les mêmes choses ensemble, l'intelligence qui continue à descendre sur la Terre feront faire aux hommes des choses qui font partie de l'avenir de l'humanité. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme de ne pas se décourager dans son évolution et de ne pas chercher à se mesurer trop à son passé ou trop à son avenir. L'homme doit avancer petit à petit et apprendre petit à petit ce qu'il sait. Et qu'est-ce que ça veut dire apprendre ce qu'il sait? Ça veut dire réaliser ce qu'il sait. Et réaliser ce qu'il sait, ça veut dire comprendre ce qu'il sait. Et comprendre ce qu'il sait veut dire être capable de vivre ce qu'il sait le plus possible sans qu'il y ait de haut et de bas. Quand l'homme est capable de vivre ce qu'il sait, sans qu'il y ait de haut et de bas, il est dans ce qu'il sait. Et quand il est dans ce qu'il sait, il n'a plus besoin d'un autre pour lui dire que ce qu'il sait n'est pas ceci. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'un homme qui vit dans ce qu'il sait et qui sait ce qu'il est, est capable de savoir ce qu'il comprend et comprend ce qu'il sait pour faire descendre de plus en plus en lui l'énergie de l'intelligence. Parce que plus on est capable de comprendre ce qu'il sait et que l'on sait le plus possible ce que l'on comprend, à ce moment-là, on est capable de faire descendre de plus en plus d'énergie parce que plus on est capable de comprendre ce qu'il sait, plus on est capable d'ouvrir les centres de nos propres énergies. Et je veux commencer ici. Un homme ouvre ses propres centres d'énergie. J'explique. L'homme ouvre ses propres centres d'énergie parce que l'homme est le maître de lui-même. Mais le problème, c'est que l'homme ne sait pas qu'il est maître de lui-même, alors il pense que ce sont les autres qui ouvrent ses centres d'énergie. L'homme pense que ce sont les maîtres qui ouvrent ses centres d'énergie, lorsqu'en fait, c'est lui-même qui ouvre ses centres d'énergie, mais il est trop stupide pour savoir qu'il est maître de lui-même. Il y a une partie de lui qui n'est pas consciente encore, qui n'est pas conscientisée, et cette partie de lui qui n'est pas encore conscientisée est la seule qui sait que c'est lui qui ouvre ses propres centres d'énergie. Et l'homme ne saurait pas qu'il ouvre ses propres centres d'énergie tant qu'il ne saura pas parfaitement qu'il est ce qu'il sait et qu'il sait ce qu'il est. Quand l'homme saura qu'il est ce qu'il sait et qu'il sait ce qu'il est, il réalisera que c'est lui qui ouvre ses propres centres d'énergie et c'est à partir de ce moment-là que l'homme connaîtra l'heure et le temps de son passage dans l'éther. Ça, c'est tellement subtil que je vous le dis parce que je vous le dis et que je vous le dis parce que c'est bon pour que vous le sachiez pour demain. L'homme ouvre ses propres centres d'énergie. Et je veux dire une chose à l'homme qui n'a jamais été dit à l'homme, parce que les morts ne peuvent pas flatter l'homme. Les morts ne peuvent pas dire à l'homme ce qu'il est, puisque eux ne savent pas ce que est l'homme, puisque eux sont morts dans l'homme. Mais lorsque les morts ne mourront plus dans l'homme, c'est-à-dire que lorsque l'esprit ne mourra plus dans la flèche, dans la chair, à ce moment-là, l'esprit saura que les lois de la chair sont comme les lois de l'esprit, et que les lois de l'esprit sont les lois de la chair. Et que lorsque l'esprit sera suffisamment élevé dans sa vibration, il transformera les lois de la chair et rendra la chair esprit. C'est ce qu'on appellera demain la conscience morentielle de l'homme ou le corps éthérique de l'homme. Mais pour que l'homme réalise que c'est lui qui est le maître de sa vie, pour que l'homme réalise que c'est lui qui est le maître de ses centres, pour que l'homme réalise que c'est lui qui ouvre ses centres, il faut qu'il y ait suffisamment d'intelligence en lui pour séparer l'intelligence ou l'intellect de l'émotionnel. S'il n'y a pas suffisamment d'énergie en lui qui sépare l'intellect de l'émotionnel, il n'y aura pas suffisamment en lui de force, c'est-à-dire d'énergie, pour le forcer à dire ce qui est réel. Et tant que l'homme n'aura pas suffisamment d'énergie pour dire ou parler ce qui est réel, il ne pourra pas réaliser ce qu'il est, il ne pourra pas réaliser ce qu'il fait, il ne pourra pas réaliser ce que est le réel. Il ne pourra pas dire le réel et il sera obligé d'absorber l'aspect vibratoire réflectif du réel qu'on appelle l'ésotérisme ou la philosophie. Et c'est tellement vrai quand je dis que l'homme ouvre ses propres centres, que moi, lorsque j'ai commencé à vous parler en public, moi, quand j'ai commencé à vivre dans le public, Moi, j'ai descendu l'énergie pour parler à la public. Moi, mais je l'ai descendu avec une colère tellement grande que j'ai séparé à tout jamais mon mental de mon émotionnel et c'est à ce moment-là qu'est passée l'énergie qui a nourri le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. Autant je ne savais pas avant de parler dans le public ce que je devais dire dans le public, autant quand j'ai descendu l'énergie que moi j'ai ouvert mes centres, que moi, à cause de la sensibilité de l'énergie à mon mental, à mon émotionnel, qui causait une grande souffrance, c'est moi, l'être, l'esprit dans le matériel, qui a ouvert ses propres centres. Et la raison pour laquelle on n'a jamais dit à l'homme que c'est l'homme qui doit ouvrir ses propres centres, c'est parce que si on avait dit à l'homme que c'est l'homme qui doit ouvrir ses propres centres avant que l'homme sache et connaisse les lois de l'intelligence, avant que l'homme sache que l'énergie vient d'en haut, l'homme aurait fait ce que les orientaux ont fait, il aurait essayé d'ouvrir ses propres centres quand il était dans l'inconscience. Et c'est ce qui a créé ce que l'on connaît dans l'Orient, c'est ce qui a créé des conditions souvent très dangereuses, parce que lorsque l'homme est inconscient et qu'il ouvre ses propres centres, il ouvre ses centres à l'astral, il n'ouvre pas ses centres à l'énergie de l'intelligence. Et c'est pour ça que il ne pouvait pas être dit à l'homme qu'il doit ouvrir ses propres centres avant que l'intelligence ne soit descendue sur le plan matériel pour expliquer à l'homme comment fonctionne l'homme. Je te dis ça pour toi, parce que ça peut te servir dans tes conversations. C'est fondamental. Mais pour que l'homme ouvre ses propres centres, il faut qu'il soit dans l'intelligence, c'est-à-dire il faut qu'il soit en dehors de l'illusion de l'ego. Mais à ce moment-là, lorsqu'il ouvre ses centres, il n'ouvre plus ses centres psychologiquement. Il ouvre ses centres dans la confrontation entre lui-même qui est petit dans la chair et lui-même qui est grand dans l'esprit, et il fait une fusion. Il décroche. Et à ce moment-là, ses centres s'ouvrent comme ça. Mais il faut qu'il y ait suffisamment d'intelligence dans le petit homme, suffisamment de réalisation dans le petit homme. Sans cela, ce qu'il fait serait s'autodétruire. Tandis que lorsqu'il y a suffisamment d'intelligence, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'énergie. Et s'il y a suffisamment d'énergie, il y a suffisamment de résonance dans la partie inférieure de l'homme pour faire descendre le reste qui lui appartient et qui fait partie de lui. C'est pour ça que le jeu de la naïveté est un jeu qui est directement lié à l'intellect de l'homme, à la spiritualité de l'homme et aux conventions de l'homme. Et que cette naïveté, un jour, pour ceux qui entreront dans leur propre énergie, sera totalement éliminée par le fait de cette entrée dans leur propre énergie. Et ces hommes seront, comme moi je suis, bien dans leur peau. Continuez à élaborer sur le phénomène de la naïveté. Alors, j'appelle la naïveté un phénomène parce que la naïveté est une condition de l'intelligence humaine qui permet à l'homme de se protéger contre l'impossible. La naïveté est une condition psychologique de l'homme qui lui permet de se protéger contre l'impossible ou le réel, c'est-à-dire qui lui permet d'atteindre lentement au cours de l'évolution les étapes du réel. Si l'homme n'avait pas en lui de naïveté, à cause de son ego, il essaierait d'aller très vite dans l'évolution et automatiquement ferait expérience de certaines choses et ces expériences troubleraient son esprit. Et l'esprit de l'homme ne doit pas être troublé. L'esprit de l'homme ne doit pas être troublé parce que lorsqu'il est troublé, il perd de sa puissance.